Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Chers amis du blues, bonsoir et bienvenue. Les portes du Blues Café sont ouvertes pour une heure de blues en live et en public. Bonsoir Cédric. Bonsoir Francis. On peut le dire franchement, Gaëlle Buswell fait partie de la grande famille du Blues Café. Elle était déjà venue dans un Blues Café en 2016 et nous lui avions offert une carte blanche lors de la Blues Party 2019. Oui Cédric, et de passage et bien dans la région, Gaëlle tenait absolument et impérativement à nous rendre visite. Cette fois-ci en trio acoustique, une belle opportunité finalement de la découvrir d'une autre façon. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons donc Michal Benjeloul à la guitare, Jean-Bernard Petri à la basse et Gaëlle Buswell au chant et à la guitare. C'est à vous. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien c'est parti, on va vous présenter quelques titres du nouvel album. Call all your dreams with fire, peins-toi to feel. Discover our dream. Life is filled with desire, lost in the haze. Drawn out by our fears. Let passion be the only guide. Take a chance until you're satisfied. Show everyone you can knock him dead. You'll make it through the rainy day. So get up and make a plan. Now your journey starts today. Become the lover, the fighter, the singer of songs. The story is yours. This moment in time, are you take it or make it? In the end, it's all up to you. You'll make it through the rainy days. So get up and make a plan. Now your journey starts today. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde va bien, vous passez un bon moment. Ce n'est que le début de cette fabuleuse soirée. Alors, on va continuer avec un morceau qui s'appelle All You Gotta Do. People come and go in and out of life you won't remember. And as you make your way with the trail you leave behind, be rough or tender. Look into the mirror. A million different faces, a million different places to explore. Running in this race, ever faster, the right rapid flow. Seeker, look into the mirror. I'm gonna be your lover. What you gonna do when the seasons fly? Take a little time to wander. Leave it in the sunshine. Can you try? Stones, dig them smooth. Currents make it sway. Take a closer look. See the treasures that are flashing in the waves. Hunter, look into the mirror. Vous écoutez bien le Blues Café Live. Nous sommes en direct du Millennium, c'est à Lille d'Abo, et Gaël Buswell est en acoustique sur la scène du Blues Café. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Quel plaisir de te retrouver ici. On a eu un peu de mal, hein, il faut l'avouer, à caler ce rendez-vous entre les différents confinements et les restrictions sanitaires. Tes tournées qui reprennent, et du coup on a un peu loupé la sortie de ton quatrième album. Oui, mais il n'est jamais trop tard, ne t'inquiète pas. Exactement, donc on va rattraper on est tous ensemble pour fêter ça ce soir, n'est-ce pas? D'abord il s'appelle Your Journey, titre que l'on vient d'entendre. Exactement, aussi. Oui. Et quel est ce voyage justement dont tu parles? Alors, en fait, c'est vrai qu'au fil des années, le projet il existe depuis 10 ans avec l'équipe. Ça fait 10 ans qu'on tourne ensemble. Et c'est vrai qu'à travers ce premier morceau qu'on a voulu sortir, et en plus en période de pandémie, puisqu'à la base, voilà, on ne savait pas encore quel single sortir, on trouvait que c'était bien représentatif de pouvoir relancer les choses d'une façon positive. Parce qu'en fait, je pense que toute notre vie, on cherche un peu où on veut aller, ce qu'on veut faire, ce qui nous attise. Et c'est notre Your Journey, justement, c'est notre chemin pour aller vers tout ce qui nous plaît. Et c'est surtout, avec tout ce qu'on traverse, c'est justement d'aller vers ce qui nous fait le plus plaisir, en fait. Et d'essayer d'aller réveiller, en fait, les émotions les plus fortes au fond de nous et nos rêves les plus fous aussi. Parce qu'une vie, on n'en a qu'une et il faut savoir... Comme venir au Blues Café, nous voir. Voilà, soir, exactement. Il y a un son résolument différent dans ce disque. J'ai envie de dire un son un peu plus moderne. C'est pas péjoratif pour les disques d'avant, mais en tout cas plus pop-rock. C'est une nouvelle étape pour toi ou bien est-ce que ce ne serait pas, comment on dit déjà, Francis ? Ah oui, l'album de la maturité. Donc, c'est comme ça qu'on dit en général dans les interviews, non ? Écoute, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai que quand on est arrivé sur ce quatrième album... On se demandait un petit peu comment on pouvait aborder les choses parce que bah, quand on fait un premier album, c'est bon, on fait au départ ce qu'on sait faire. Le deuxième album, on montre un peu tout ce qu'on sait faire. Le troisième, bah, on avait envie d'aller chercher un son plus vintage. Et puis pour ce quatrième album, on avait envie justement de prendre le temps nécessaire en studio pour développer et pousser les compositions au maximum. Et c'est surtout qu'on a travaillé à la réalisation avec Didier Théry, avec qui on avait déjà travaillé sur notre deuxième album. Et là, pour la première fois, on a lâché les rênes à 100% en fait à un réalisateur sur notre album. Et on lui a dit qu'on voulait passer une étape et puis essayer de produire plus un album. En tout cas, nous, on a trouvé qu'il y avait une superbe production artistique. Merci. Avec des arrangements extrêmement bien faits, très homogènes. Mais dans quel studio as-tu été chercher ça, justement? Ah, il est temps de le dévoiler, peut-être, non? Ah, peut-être que les gens le savent. On a enregistré dans deux studios différents parce qu'on a eu cette immense chance en fait d'avoir pas mal de temps pour enregistrer et d'avoir les moyens de pouvoir le faire, chose qu'on ne pouvait pas faire forcément avant. Et on a enregistré une partie de l'album, le premier album qui est enregistré et tout produit dans les studios d'ICP en Belgique, et le deuxième album tout acoustique enregistré dans les studios d'Abbey Road. Donc en gros, tu es passé après les Beatles, Pink Floyd, Deep Purple, U2, les Foo Fighters. Ça met un petit coup de pression, non, quand même, quand on monte les petites marches de l'escalier là. Ah bah, il n'y a même pas besoin de monter les marches, on a juste poussé la première porte, la grille d'entrée, même pas rentré dans le studio, que tout le monde déjà versait sa petite larme. Et c'est surtout, je tiens à le dire, parce que si on s'est retrouvé dans ce studio, c'est grâce à tous nos fans en fait, qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés à monter des paliers, parce qu'on avait fait un site, on a produit cet album via un site participatif. Ils nous ont tellement soutenus qu'on leur a dit, écoutez, la plus grande des folies qu'on pourrait faire, c'est aller enregistrer à Abbey Road. Et ça s'est fait. Et oui, et avec Chris Bolster, justement, qui a remasterisé des albums des Beatles et produit des albums de Paul McCartney. Donc, ouais. Contente de l'expérience, quoi. Ah, mais c'est magique. Ouais. Même aujourd'hui, je crois, ça va faire 2 ans maintenant. Je les vois rigoler parce que je pense que ça leur rappelle des souvenirs à JB et Michel sur scène. Et même au bout de 2 ans, on a toujours du mal à réaliser d'avoir mis les pieds là-bas parce que c'est mythique, mais en même temps, il y a quelque chose de mythique qui se passe quand on enregistre. Il y a quelque chose, une énergie qui émane des murs. C'est grandiose, en fait. Alors, je ne sais pas si ça a aussi influencé le format musical, mais on a trouvé qu'il y avait tout au long de l'album comme un petit air de Britpop. Alors, bah en fait, nos influences, elles viennent d'un peu partout, aussi bien des États-Unis. Peut-être qu'on le ressent, peut-être plus dans le deuxième album. En tout cas, on voyage vraiment entre différents univers, entre gros sons, fluidité, soul, même funk, avec le titre que tu viens d'interpréter, notamment All You Gonna Do. On s'en rend pas forcément compte parce que tu l'as réarrangé pour ce soir, mais il y a vraiment différentes sonorités, différentes ambiances sur ce disque. Et c'est vrai qu'à travers cet album, on voulait pas figer une ligne directrice en disant voilà, il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. On a laissé vivre les morceaux aussi en studio parce qu'on a eu la chance d'avoir 12 jours pour enregistrer à ICP les morceaux. Donc on est arrivé, on avait déjà pas mal de titres et il y a des titres qui ont été peaufinés au niveau des arrangements directement en studio et c'était une chance qu'on avait de vraiment prendre des journées entières pour pouvoir porter au plus haut chaque chanson dans le style qui devait être. Mais alors là, donc tu es en acoustique ce soir en trio et on doit avouer que Cédric et moi et même le public, j'en suis certain, on trouve ça sublime. On se demande même si tu ne devrais pas aussi réaliser un album complètement unplugged, même si de temps à autre il y a en effet des titres acoustiques dans tes albums. Justement, comment obtenir le gros son qu'on a parfois sur le disque avec de l'acoustique? Alors bah, c'est deux façons de travailler complètement différentes en fait. L'approche n'est pas la même et du coup je ne saurais pas vraiment comment te répondre à cette question parce que je pense qu'on a... On a vraiment fait en fonction de chaque chanson. On voulait du gros son, mais en même temps, on respecte chaque chanson. Donc si des fois, pour un morceau, ça ne correspond pas d'avoir le même son qu'un autre morceau, on apporte au mieux ce qu'on peut apporter pour cette chanson-là, en fait. Alors, on le dit, cet album, il est très personnel. C'est vraiment toi qu'on retrouve sur cet album, mais on sent quand même qu'il y a un gros travail d'équipe derrière. Ah oui. J'aimerais que tu nous dises deux mots de tes complices là-bas, notamment de Michal. Tu l'as dit, vous avez commencé ensemble et on sent qu'il y a vraiment une vraie complicité entre vous. Ah oui, mais c'est avec toute mon équipe, c'est ma famille. Ça fait 10 ans qu'on joue ensemble. Michal, on s'est rencontrés en février d'il y a 10 ans. On a fêté nos 10 ans cette année, même avec toute l'équipe et avec Michal. Donc ça, c'est quelque chose quand même de superbe. Sortir un 4e album et fêter les 10 ans d'une collaboration avec des super musiciens... Bah, je trouve ça génial et pour moi, oui, c'est mes frangins, c'est la famille et on le ressent aussi au niveau des albums, dans tout ce qui est les arrangements, le son, c'est que chacun justement peut apporter son en fait. Il n'y a rien qui est imposé, chacun peut aussi proposer des compos, il y a un vrai travail d'équipe en fait en interne. Alors, on a demandé tout à l'heure à Michal hors antenne, en effet, que ça faisait 10 ans, s'il n'en avait pas un peu marre, il nous dit si, mais il ne faut pas lui dire. Hein. Bah ouais. Mais, non, il a dit je signerai bien encore pour 10 ans, voilà, il n'y a pas de problème. C'est un peu l'homme indispensable, parce que vous travaillez, vous êtes très complices aussi, tous les deux, on est très complices. Les arrangements, sur les compositions. Ah oui, énormément, et du coup, c'est hyper important, et ce qui est cool, c'est pour moi, c'est hyper important de pouvoir... porter mon équipe depuis autant d'années en fait entre guillemets de pouvoir me battre pour avoir cette équipe et essayer de l'amener au plus haut dans ce projet qu'on fait tous ensemble en fait. C'est pour ça que je dis toujours on me dit toujours pourquoi tu dis on quand tu parles, mais c'est parce que je parle toujours au nom de l'équipe en fait. Gaël, on va te retrouver sur la scène dans quelques petits instants. Nous, on aime bien aussi dans cette émission faire des petites pauses musicales. Et on a choisi de te faire écouter un titre d'un artiste que tu connais bien, je crois. C'est Monsieur Ahmed Mouissi. C'était une belle rencontre à la blues party. Alors, c'était peut-être pas une rencontre d'ailleurs, mais en tout cas, c'était un beau moment. Ah oui, parce que moi je me souviens, je l'avais rencontré avant, on avait fait un Disney avec Manu Lanvin et Ahmed. Oh, Billy Bob's. Exactement, ouais. Et moi j'étais super émue de le rencontrer parce que c'est quelqu'un que j'admire depuis que je suis toute petite quand je le voyais chanter dans les pots. Et du coup, de le rencontrer pour moi c'était quelque chose de. C'était une belle grande rencontre. Donc on va écouter Ahmed Mouissi parce qu'Ahmed sort un nouvel album. L'album s'appelle Une pinte de blues et c'est un album qui est 100% en français. Il a sorti un premier single qui s'appelle Je chante et il sera ici sur la scène du Blues Café le 6 janvier. Ahmed Mouissi, Je chante. J'entends pas trop mon cœur. J'écris mon destin car j'ai ça dans la peau. J'écoute mon instinct, je dégaine mon micro. Je chante. Je chante. Ahmed Mouissi bien entouré sur ce titre puisqu'il joue notamment avec le groupe de Fred Chapelier qui sera également à ses côtés lors de la venue de Ahmed Mouissi ici le 6 janvier. Retour au direct, retour au live ici sur la scène du Millennium. Nous sommes à l'île d'Abo et c'est Gaël Buswell en trio acoustique qui nous régale. is a gone. I feel so self-assured. And now I find I've changed my mind. And opened up the door. Help me if you can. I'm feeling down. And I do. Won't you please help me? Won't you please help me? Won't you le meilleur de la scène blues. What are we coming to? The morning song has faded, and the garden we once loved lies far behind. So smart but never wise. Now you are running out of time for its return. Your endless greed has left us high and dry. Tell me why you keep on dancing on the rest of the day. Gaël Buswell, trio dans le Blues Café ce soir, le Blues Café Unplugged avec Gaël qui a revisité pour nous, pour vous, les morceaux de son album qui vient juste de sortir et dont on va parler encore en détail, Francis. On va décortiquer un petit peu, et notamment les deux titres que tu viens de jouer, parce que le dernier, puisqu'on l'a encore dans les oreilles, Razor Edge. En tout cas, il y a une consonance, on se disait tout à l'heure quand tu jouais, une consonance très anglaise quand même. Très Beatles, ça, sur cette Beatles, interprétation en tout cas. Ah, sur ce morceau-là, oui, c'est vrai que c'est un morceau qui a été composé par Steve Belmont, qui à la batterie, qui est un grand fan des Beatles. Donc peut-être que vous avez votre réponse comme ça. Et alors, puisqu'on parle des Beatles, le morceau précédent, Help, fait aussi des références aux Beatles, mais on n'y a pas retrouvé la mélodie. Et non, c'est une version que nous avons revisitée maintenant, il y a plus de 10 ans en fait. Donc cette chanson nous accompagne sur tous nos concerts depuis tout ce temps-là. Et pour nous, c'est une chanson qui est importante, et encore plus parce qu'en 2018, on a eu la chance de pouvoir la jouer en première partie de Ringo Starr à l'Olympia. Et du coup, pour nous, c'était une belle récompense en fait de cette chanson qui nous accompagne depuis si longtemps, de pouvoir la jouer en première partie de Ringo Starr et puis après de l'enregistrer dans les studios d'Abbey Road. Qu'est-ce qu'il en a dit, Ringo Starr? Ben écoute, déjà, on était très étonnés, on pensait pas le voir. Et puis, on avait 7 minutes pour faire les balances en acoustique parce qu'ils avaient pris du retard. Et du coup, on était en train de commencer à checker nos guitares. Et puis là, il y a quelqu'un qui arrive et qui me tape sur l'épaule. Et je me retourne et c'était Ringo Starr. Non. Et là, je me retrouve un peu bluffée. Je regarde les garçons, je regarde à droite, je regarde à gauche, je regarde Michel, Steve en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? C'est pas possible. » Et puis il me dit « Bonjour, je m'appelle Ringo Starr. » C'est très, à nous, très on avait réservé la scène. Je comprends pas que vous soyez encore là. Non, il me dit « Salut, moi c'est Ringo Starr. Je suis très heureux, Gaël, que tu sois là ce soir pour notre première partie. » Et moi, je me retourne comme ça, je regarde, je dis « Merci. » Et dans ma tête, j'étais là « Mais tu me connais pas ?» Mais si, il a été bluffé par toi. On était vraiment très, très émus. Et après, il s'est installé à la batterie derrière et tout. Et puis, il jouait avec son All-Star Band. Et c'est marrant parce que pendant qu'on jouait notre set en acoustique, il y avait Greg Bissonnette, en fait, sur le côté de la scène aussi, qui nous a regardé tout le long de notre set. Et c'était vraiment super émouvant. Et c'était hyper impressionnant en fait aussi. Il y a eu Ringo Starr, ce n'est pas le seul homme dans ta vie, puisqu'il y a eu aussi Johnny Lang, il y a eu aussi Mathieu Chédid, il y a eu aussi Bertignac, ça c'est un point commun que tu as avec Johnny notre Lang. Ancienne première dame. Il y a eu ZZ Top, il y a eu Vintage Trouble, enfin il y en a eu beaucoup. Il y a eu énormément de rencontres. C'est énorme quand même quand on cite cette liste-là, non ? Ouais, ouais, j'en perds mes mots, voilà. Hop. Très bien. Question non, suivante. Non, mais c'est surtout que c'est la plupart, c'est des artistes, des musiciens qui nous ont influencés. On a écouté leur vinyle quand on était tout petit, et du coup, jamais en fait de notre vivant de musicien, on serait imaginé un jour de pouvoir les rencontrer et de pouvoir ouvrir en fait pour ces artistes-là. Et je me rappelle la première fois, c'était fin 2017 qu'on a fait la tournée de Johnny Lang, parce que pour moi c'était mon numéro un sur ma petite bucket list de mes rêves de musique en fait. C'était jouer avec Johnny Lang, ouvrir pour Johnny Lang. Lui, il était jeune aussi. Oui, oui, oui. C'était vraiment mon plus grand rêve et je l'ai réalisé. Et puis depuis ce jour-là, on s'est dit bon allez, on va laisser les chakras s'ouvrir et puis on verra ce que la vie nous apporte. Et puis il y a eu toutes ces belles rencontres grâce à Gérard Drouot Productions avec qui nous travaillons aujourd'hui. Bon, il y en a une qui t'a marqué peut-être plus que d'autres, non ? Bon, il y a Johnny Lang, bien sûr, mais et les ZZ Top, par exemple. Bah, c'était aussi super émouvant parce que mon père est un grand fan de ZZ Top et de Deep Purple aussi. Et je me rappelle, c'était à Noël avec mon frère, on leur avait offert des places à mes parents pour qu'ils aillent voir la tournée de ZZ Top. Mais on ne savait pas qu'on allait faire la première partie. Du coup, ils ont vu trois fois ZZ Top. Donc, ils se sont bien rattrapés. Et c'était un moment d'émotion parce que je me dis, voilà, ils ont participé, entre guillemets, à ma culture musicale depuis que je suis toute petite. Et c'était aussi une façon, je me dis, la vie m'a permis de pouvoir les remercier en musique, en fait. Donc on a une petite pensée pour Dusty Hill qui nous a quittés cet été à propos des disparus. Ce soir, il devait y avoir Patrick Verbeek lors de cette soirée. C'est quelqu'un que tu connais bien, que tu as connu, notamment via quelqu'un que l'on salue, c'est Jean-Christophe Pagnocco. Quel souvenir tu gardes de lui ? Je garde un très très beau souvenir de Patrick Verbeek parce que ça, la première fois qu'on l'a rencontré, j'étais avec Michel, on jouait au Guest Live à Bondy, à côté de Paris. Et c'était hyper émouvant parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il débarque, il répétait à côté. Et puis nous, on jouait dans la petite salle qui était à côté, on faisait un petit concert acoustique. Et puis il a fini sa répète, il est venu. Et puis en fait, il a fini qu'il a buffé avec nous. Et puis on a passé la soirée avec lui. Et c'est un grand homme, il est très généreux, très humble. Et c'était, j'en garde un moment très émouvant en fait. Et dans la simplicité aussi. Très bien, on va clore du coup les hommages à Dusty Hill et Patrick Verbeek pour revenir sur Gaël Boswell. Oui, et puis peut-être un voyage d'ailleurs, parce que à propos du clip du disque Your Journey, puisqu'on a vu circuler ce clip, les paysages ressemblent pas vraiment à la Verte Albion, puisqu'il paraît que ça a été fait dans le Sahara. Ouais. Une envie de chaleur, d'évasion ? Alors, bah oui, on avait envie de voyager. Il y avait une opportunité qui s'est créée à ce moment-là. Et c'était rigolo parce qu'on avait voulu faire ce clip dans le désert du Sahara. Et puis, en se baladant, on est tombé sur une station-service abandonnée dans laquelle on a tourné une partie du clip aussi. C'est vrai qu'ils ont peut-être le pétrole pas très loin. C'est pratique aussi. Ouais, mais ils ont des studios. Clip, hein. Ils ont pas mal de studios aussi de cinéma là-bas. Ils appellent ça Warzawood. Welcome to Warzawood, comme Hollywood. On a été vraiment très ravis, en tout cas, de partager ce moment avec toi, mais ce n'est pas fini parce que tu vas chanter encore quelques titres sur la scène. Est-ce que tu peux nous parler des morceaux qui vont venir maintenant ? Oui, alors après, on va vous jouer trois autres titres. Donc, on va vous jouer What Might Have Been, qui raconte l'histoire d'un... Vous savez, quand on rêve un petit peu, des fois, on fait des rêves un petit peu... des rêves un peu bizarres, en fait. Donc, cette chanson, elle est un peu bizarre, comme les paroles, en fait, qui racontent l'histoire d'un rêve. Et puis ensuite, je perds encore mes mots. Hein. Je suis troublée, en fait, devant... L'émotion. Devant Cédric et François. C'est sûr. ZZ Top et Ringo Starr à côté. Je peux pas dire, mais... On peut te taper sur l'épaule. Voilà. Ça s'appelle... Je vois mieux votre visage. Et on va vous faire un titre aussi qui s'appelle Perfect Lullaby, qui a été un morceau qui a été écrit, composé par Michal. C'est une chanson qu'il a écrite en pensant à ses filles à chaque fois qu'on rentre de tournée. Bah écoute ce disque, ce morceau plus exactement, puisque tu en parles. Toi aussi, tu perds tes mots. Oui, je perds mes mots aussi. Oui, mais on perd ses mots ce soir. C'est incroyable. C'est l'un des morceaux que je préfère peut-être du disque. Il y a une atmosphère un peu éthérée, des percussions aussi, qu'on n'a pas ce soir. Mais une voix assez aérienne finalement, et il y a un appage d'orgue un peu derrière. Oui. Et j'adore cette chanson, hein, vraiment. Ah bah c'est gentil, merci. Et moi, puis... je les aime toutes, Gaëlle, tes chansons. Merci Cédric. Et d'ailleurs, on va finir avec un morceau. Il paraît que c'est ta chanson préférée. Alors, tu termines avec Last Day. Voilà, exactement. Oui. Qui est une, alors c'est un très peu, rock. C'est un peu plus particulier. C'est la seule chanson de l'album qu'on a composée tous ensemble, en fait, dans le garage de JB. C'est un des premiers morceaux aussi qui a été composé. Et puis, cette chanson, elle parle aussi. On a eu des moments tous un petit peu difficiles. Avant 2019, on a perdu des gens qu'on aimait, des gens qui avaient nos âges et tout ça, et on a voulu essayer de continuer à les faire vivre à travers certaines chansons, et Last Day en fait partie, en fait, de se poser la question, bon bah voilà, si un jour on devait faire face à ce dernier jour, qu'est-ce qu'on dirait aux gens, qu'est-ce qu'on ferait, et la finalité, c'est de se dire que voilà, c'est de pas attendre ces derniers jours, c'est d'essayer d'en profiter dès maintenant. Voilà. Eh bien, on va profiter dès maintenant. On va te retrouver sur la scène du Blues Café. Un grand merci, Gaëlle. Bah, en tout cas, moi, je voudrais vous dire un grand merci parce que ça fait au moins 10 ans qu'on se connaît et vous nous avez toujours soutenus. Et c'est un bonheur. Et tu re-signes pour 10 ans avec nous ? Mais même 20 ans, si tu veux. 20 ans ! Non, non, mais c'est vraiment un honneur et ça fait plaisir de continuer à partager cette route musicale tous ensemble. Gaëlle, attention, parce qu'il y a le maire, il pourrait nous marier tous les trois. Hein, ah bah voilà, non, bah voilà. Bah, il faut marquer l'événement hein, de toute façon ce soir, donc venez avec nous. Gaëlle Buswell, mesdames, messieurs, on est très heureux de t'avoir eu avec nous et on remercie vraiment grandement l'équipe technique du Millennium, la ville de l'île d'Abo, qui nous accueille toujours ici avec un grand plaisir. Voilà, Gaëlle Buswell. Merci aussi, pendant que Gaëlle rejoint la scène, à François qui réalise les captations vidéo. Et à toute l'équipe du Millennium. So in evergreen. Merci beaucoup. She tells the world she's feeling fine. She turns away and wants to hide. They'll never know. She keeps a smile away for free. Open heart is gone for thee. They never see. Lying low, time feels slow. You're falling, so close your eyes. Sing to you a perfect lullaby. Bring this drifting boat back to shore. Let yourself be carried by the storm. Happiness is put on hold and chasing dreams a heavy load. Tears will flow. It's hanging on and letting go. Make believe and make it so. Where will she go? You're falling, so close your eyes. I sing to you a perfect lullaby. Drifting boat back to shore. Let yourself be carried by the storm. Mm-hmm. across the rise and fall. Let the fitting show. Moving on. You fall in so close your eyes. I sing to you a perfect lullaby. Bring this drifting boat back to shore. Let yourself se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. C'était ce soir le Blues Café Live de Gaël Buswell. À la régie ce soir, il y avait Sébastien et Ludovic. À la captation vidéo, il y avait François. Et au mixage de cette émission, Frédéric Pellerin, alias They Call Me Rico. Et au public, il y avait vous. Merci à tous. Vous nous retrouvez sur le www.bluesactu.com, également sur notre web radio, Blues Café Radio. On vous accompagne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on laisse la place à Gaël Buswell.